la poussière s'apaise. Dans le stream, une nouvelle page s'écrit. Rider Skill sourit, prêt à relever le défi. Dans ce monde sauvage, la légende continue. Mettez-le au même.